vente en gamme, c'est trop la classe, ouais. Trop la seclat, le haut de gamme, le haut niveau, le truc impensable, mon pote, yo. Bon, je voulais juste te dire que quoi dire de plus, freestyle sur freestyle, et surtout digne de ton gamme, mon pote, R-A-Z, yo. Freestyle, freestyle, alors t'es prêt, je suis prêt, on est prêt, mon pote, let's go. C'est trop la seca.